Chapitre 6e. Hélène revint à Kamienitch-Podolski. Cette pauvre âme brisée par la douleur retrouvait des larmes pour chacun de ses souvenirs. C'est dans ce lieu qu'elle avait passé de si douces heures. C'est dans ce lieu qu'elle avait si cruellement souffert. Tout lui reparlait d'Adolphe. Ses souvenirs, comme sa douleur, étaient des reliques sacrées qu'elle ne voulait pas éloigner d'elle. Elle cultivait les fleurs qu'Adolphe avait aimées. Elle lisait les livres qu'elle avait lus avec lui. Elle dessinait les paysages qu'ils avaient admirés ensemble. Enfin, il n'y avait pas un moment de sa vie qui ne fût marqué par un souvenir ou par une réminiscence du passé. Chaque nuit, à la même heure, Hélène allait dans le cimetière où étaient les restes d'Adolphe. Pauvre femme, il fallait qu'elle cachât son culte et sa douleur à tous les yeux. Une prière sur cette tombe eût été un crime. Et bientôt cette tombe n'aura plus de prière, et bientôt cette tombe sera oubliée, foulée aux pieds par le passant. Hélène ne viendra plus y déposer des fleurs. La douleur officielle avait placé une croix d'or massif sur le mausolée du comte, et l'orgueil aristocratique avait dicté l'inscription suivante. Deo Optimo Maximo. Ici repose Adolphe, comte Ostrorog. Plein de courage, il fut dévoué à sa patrie. Par ses vertus, il était l'égal de ses ancêtres. Il fut aimé et honoré de tous. Il sera jamais regretté par sa famille. Cette vie, si belle et si pure, a duré trop peu. Passant, jette un regard sur cette tombe. Honore la mémoire du défunt par tes prières. 27 octobre 1792. Hélène, en revenant à Kamienitch, trouva encore sa nourrice, le dernier des êtres qu'il avait aimé, le seul qui pouvait la consoler. Cette femme, d'une origine qu'on appelle vulgaire, était l'incarnation du dévouement. Elle avait soigné les intérêts d'Hélène pendant sa captivité, comme si elle espérait la revoir. Hélène, grâce à Marguerite, avait conservé intacte sa petite fortune. Sa maison, son jardin, étaient comme le jour où elle les avait quittés. Si je n'ai pas parlé plus souvent de la nourrice d'Hélène, de cette excellente femme, c'est que je n'ai pas voulu arrêter la marche des événements par des incidents secondaires. La santé d'Hélène s'affaiblissait de jour en jour, et le moment de la délivrance approchait. Mais elle sentait bien qu'elle ne survivrait pas à la naissance de son enfant. On se figure les angoisses, les déchirements de cette pauvre mère. À qui pourrait-elle confier ce dépôt sacré? Toute une vie à soigner, tout un avenir à prévoir. À qui pourrait-elle dire « Prenez mon enfant, je prierai pour vous dans le ciel ». Sa nourrice était déjà vieille et infirme. Puis elle avait appris, d'après sa propre expérience, qu'il faut plus que de la bonté et de l'affection pour développer un jeune cœur et une jeune intelligence. « Pauvre enfant, se disait Hélène, quel guide, quel frein trouveras-tu quand les passions déborderont en toi ?» Le baron de Tolly, général au service de la Russie, avait un château tout proche de l'habitation d'Hélène. Souvent le baron avait rencontré dans ses promenades cette jeune femme si triste et si souffrante, et l'avait éprouvé pour elle un sentiment de tendre compassion. Hélène portait l'empreinte d'un désespoir si profond et si résigné que sa vue causait autant de vénération que d'intérêt. Il y a quelque chose de si sublime et de si saint dans le caractère des grandes douleurs. Leur pudeur vous inspire le respect qu'on éprouve à la vue d'un tombeau. Le baron, après quelques rencontres fortuites, obtint la permission de se présenter chez Hélène, et bientôt il s'établit entre eux une bonne et douce amitié. Le baron était un de ces hommes qui inspirent de la confiance à la première vue. Il possédait cette bonté intelligente qui va au-devant de tous les sentiments et de toutes les pensées. C'était un de ces cœurs que l'âge a respectés et que l'expérience n'a pas flétri. Le baron devina que la vie d'Hélène était un douloureux mystère, et il remplit auprès de la jeune femme le rôle du prêtre auquel on demande des prières. Dans leur conversation, Hélène parlait toujours de l'éternité pour elle et de ce monde pour son enfant. « Oui, lui disait-elle, je me résigne à la mort, à toutes les terreurs involontaires qui l'accompagnent. Mais mon enfant, que deviendra-t-il ? Ne doutez pas de Dieu, madame, répondait le baron, de ce Dieu d'amour et de mansuétude infinie. Vous avez souffert, vous serez une offrande expiatoire pour votre enfant. » Le moment de la délivrance arriva. Hélène mit au monde une fille, et 2 mois après, la pauvre mère rendit son âme à Dieu. C'est le jour même de sa mort qu'elle écrivit les dernières lignes de son manuscrit. Quand ce devoir fut accompli, elle fit une confession à haute voix, en présence de sa nourrice, puis elle remit à celle-ci une lettre pour le baron de Tolly. « Quand je ne serai plus, lui dit-elle, Tu prendras mon enfant, ma Julie, et tu la porteras au baron de Tolly. Dans cette lettre, il trouvera mes instructions dernières. » Après avoir dit ces mots, elle embrassa sa fille, tourna ses yeux vers le ciel et les ferma pour toujours. Le baron lut avec un profond attendrissement la lettre d'Hélène, et il accepta en homme de cœur et de dévouement le dépôt qu'elle lui confiait. Il ne pensa pas à la grandeur du devoir qu'il s'imposait. Il était du nombre de ces rares natures qui font le bien avec exaltation et par conviction. Voici ce que contenait la lettre d'Hélène. « Monsieur le baron, soyez béni pour la confiance que vous m'avez inspirée. Je vous lègue mon enfant, je vous lègue ma vie en ce monde, je vous confie un ange et je l'abandonne à votre miséricordieuse bonté. Je sais que je vous impose des devoirs bien graves, mais vos vertus sont à la hauteur de cette mission chrétienne. Il y a dans ma vie un mystère que je ne dois révéler et dont je ne peux me plaindre qu'à la destinée. Ne me jugez pas. Ma situation est si exceptionnelle que votre expérience ne pourrait parvenir à vous expliquer mes malheurs. Sachez seulement qu'ils ne sont pas de ceux qui traînent à leur suite la honte et le repentir. La honte n'a pas rougi mon front. Mon âme est pure. Je le dis dans ce moment où je vais paraître devant Dieu. J'ai fait deux parts de ma maudite fortune. L'une, je la lègue à ma nourrice, et l'autre à ma fille. Le mystère qui enveloppe la naissance de Julie sera sans doute un obstacle insurmontable à son mariage. Mais cependant, si à l'abri de votre nom, elle parvenait à vaincre les préjugés qui la séparent du monde, remettez-lui l'écrit que je vous confie. Cet écrit lui apprendra le secret de sa naissance. Je vais sans doute au-delà du vrai et du possible en prévoyant le mariage de Julie. Il y a des malheurs qui se transmettent de génération en génération. Mais je veux tout prévoir. Ma fille, en se mariant, doit connaître le nom de son père. » Elle palpitera d'orgueil. Le nom de son père rappelle encore plus de vertu que d'illustration, et autant de gloire que de grandeur morale. Il n'y a pas de position où la religion ne soit un bien inappréciable pour une femme. Mais dans la position de Julie, c'est le plus sûr asile et le seul refuge contre le monde. D'ailleurs, la religion est tellement vraie qu'il faudrait s'y soumettre quand elle ne serait pas bonne. Elle est tellement bonne qu'il faudrait encore la pratiquer si elle n'était pas vraie. Ce qu'il y a de plus beau, c'est Dieu. Après Dieu, c'est l'âme. Et après l'âme, c'est la pensée. Si vous découvrez dans Julie des facultés aimantes, si elle possède une de ces natures qui s'exaltent et qui s'impressionnent, tournez ses idées vers le ciel. Quand ma fille sera en âge de comprendre, expliquez-lui Dieu. Expliquez-le-lui par son âme, par sa pensée, par la nature, par tout ce qu'il y a d'infini au-dedans de nous et en dehors de nous. Le Dieu de la métaphysique est une idée, mais le Dieu des religions, le Créateur du ciel et de la terre, le juge souverain de nos pensées, est une force. Je veux que ma fille accepte la religion sans examen. Il y a très peu de femmes assez supérieures pour rester pures en se séparant des pratiques de la religion. Si Julie est douée, si elle a de l'esprit et de l'imagination, donnez-lui l'amour du travail, car l'étude et le travail sont les meilleurs préservatifs contre les rêves du cœur. Mais en tournant ses facultés vers les choses sérieuses, gardez-la de devenir une femme savante. Les femmes savantes sont ridicules et malheureuses. Elles luttent contre l'amour-propre, les susceptibilités, la vocation des hommes, et elles échouent. Pour que Julie échappe aux ridicules et aux inconvénients de la science qui veut se montrer à tout prix, faites-lui lire et relire les œuvres de sainte Thérèse. Cette créature sublime et sainte, ce divin modèle de la femme morale et intellectuelle, avait reçu des papes Grégoire XV et Urbain VIII le titre de docteur de l'Église. Certes, il fallait être une sainte pour affronter ce titre sans en avoir d'orgueil. Sainte Thérèse écrit avec la plus grande répugnance « J'écris, dit-elle au chapitre 10 de sa vie, j'écris à la dérobée et avec peine, parce qu'étant dans une maison pauvre, cela m'empêche de filer et me détourne de mes autres occupations. Si on m'avait commandé d'écrire, au seul souvenir que je suis femme, la plume me serait tombée des mains. » De pareils écrits sont une bonne nourriture pour cet âge où l'on prend si vite les impressions. Nous sommes encore bien loin de l'époque où la femme pourra lutter d'intelligence avec l'homme. En attendant la réalisation des promesses du Messie, prions et soumettons-nous. J'insiste encore sur ce point. Faites de ma Julie une femme pieuse et résignée. Ne la trompez pas sur sa destinée. Dites-lui sans cesse que souffrir et mourir, c'est la vie. Pauvre enfant, il ne faut pas lui laisser entrevoir le bonheur. Il faudrait que Julie s'accoutumât à la solitude. Elle doit ignorer les plaisirs du monde et les joies de l'amour-propre. Point de liaison de femme, surtout, car je ne sache rien de plus dangereux et de plus funeste, quelquefois. Les conversations des jeunes filles sont plus nuisibles qu'un mauvais roman. De pareilles conversations développent l'imagination et mettent à la place de la sensibilité une exaltation factice. Une jeune fille qui a pour amie une autre jeune fille peut être pure comme un ange, mais n'est plus innocente. La société des hommes me paraît préférable. Je parle de la société des hommes graves et instruits. Les femmes ont le talent de pomper l'esprit des hommes qui les environnent et de l'assimiler à leur caractère. Elles se nourrissent de leurs idées et cela modifie souvent la mauvaise éducation qu'elles reçoivent. J'ai recueilli mes forces pour vous tracer ici mes intentions. Pitié pour cette pauvre morte, pitié pour son enfant qui n'a plus que vous au monde. Je vous ai dit mes craintes et mes amertumes. Je vous ai dit mes vœux et mes prières. Dieu fera le reste. Oui, c'est à vous, le meilleur et le plus respectable des hommes, que je confie ma fille. C'est vous qui lui donnerez l'amour du bien et l'exemple de toutes les vertus. Dites à Julie que ma dernière pensée a été pour elle, comme mon dernier souvenir a été pour son père. Dites-lui qu'en mourant, je lui ai recommandé de vivre dans l'esprit de Dieu. La religion l'affranchira de la terre. Par elle, Julie échappera aux prétentions de l'amour-propre, à tous les soupçons de la calomnie, à tout ce qui flétrit enfin. Dans les relations qu'on entretient avec les hommes, l'imagination qui se place toujours entre la vérité et vous, vous éclaire quand elle s'élève jusqu'à Dieu. Je sais beaucoup et je meurs jeune, hélas. Je sais beaucoup parce que j'ai souffert. Celui qui n'a pas souffert, dit le prophète, que sait-il? Ce monde n'a été que douleur et désenchantement pour moi, et je vais au ciel pleine de foi et de croyance. Ce qui m'a perdu, c'est l'illusion et l'espérance. Si j'avais compris ma position, j'aurais échappé aux maux qui hâtent ma fin. Dites à Julie ce qu'elle est. Montrez-lui la route qu'elle doit suivre. Ne l'abusez pas. Nos maux ne sont forts que par notre faiblesse. Ils nous accablent lorsqu'ils nous surprennent. La plupart de nos malheurs s'affaiblissent quand nous y sommes préparés. Pauvre enfant, il ne faut pas qu'un jour, une heure dans sa vie, elle croie à la possibilité du bonheur. Adieu, monsieur. Je vais mourir. Et j'emporterai au ciel ma reconnaissance pour vous. Hélène.